Yippee-ki-yay, motherfucker. T'es non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Kick Morant is dead. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue dans Transmission numéro 16, le troisième de l'année. Aujourd'hui, on va parler du deuxième film de Steven Spielberg qui sort justement en 2018, donc Ready Player One, mais on vous garde ça bien au chaud pour la fin de l'émission. On va commencer cette émission avec Hostile, le film de Scott Cooper avec Christian Bale, et ensuite on continuera avec La Prière, le film de Cédric Kahn. Je suis encore une fois très bien entouré avec Manuela, ce qui est là. Salut Olivier. Salut Manu et salut Lucien. Salut les gars. Aujourd'hui, donc, notre camarade Julien Rombaud n'est pas là. Il est mort au combat. Puisque il travaille d'arrache-pied sur la pièce qu'il met en scène et qui va se jouer au Théâtre de Poche de Bruxelles dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent. Mais sans plus attendre, on va commencer avec le film Hostile de Scott Cooper. Captain, you do know Chief Yellowhawk. The army wants to be certain that the chief gets home to Montana safely without incident. I don't have any idea what he's got. He's a butcher. And the two of you ought to get along just fine. I've killed savages, because that's my job. You have no idea what war does to a man. I hate him. I got a war bag of reasons to hate him. This will be done, and it will be done by you. Alors, Hostile, c'est le nouveau film de Scott Cooper, donc réalisateur des Brasiers de la Colère, déjà avec Christian Bale, de Strictly Criminal avec Johnny Depp, et aussi de Crazy Heart, qui a valu un Oscar à ce cher Jeff Bridges. De nouveau ici, dans Hostile, il y a un casting 4 étoiles, hein. Il y a Wes Studi, Christian Bale, Peter Mullan, Rosamund Pike, Ben Foster, Timothée Chalamet, j'en passe. En gros, donc, c'est un western. Christian Bale incarne le capitaine Joe Blocker, qui est en fin de carrière dans l'armée américaine, qui en a gros sur la patate. Il a encaissé de la violence pendant des années et des années. Et il a une dernière mission qui lui est confiée, qui est d'accompagner un chef indien qu'il a lui-même capturé, qui s'appelle Yellow Hawk, qui est incarné par Wes Studi. Et il doit l'accompagner dans un autre état, le Montana. Sur le chemin, il rencontre Rosamund Pike, qui est une femme meurtrie puisqu'elle a vu son mari et ses trois enfants tués sous ses yeux par des Comanches. Eh bien, je vais commencer peut-être sur le film. Je vais commencer. Alors, donc je l'ai vu ce matin. C'est de la belle ouvrage, comme on dit. C'est bien fait, la lumière est canon. Les acteurs sont, à quelques exceptions près, tous très bien. Il y a un côté où on essaye de faire du grand cinéma. On sent que Scott Cooper investit un film vraiment très, très solennel, avec un grand esprit de sérieux. Il essaye de faire un grand film traversé, obsédé par la mort, comme s'il voulait faire lui-même tout le mea culpa du continent américain. C'est un film qui est traversé par la violence, un film qui est traversé par la mort. Enfin, les personnages sont vraiment hantés par des années et des années de violence qu'ils ont vues, qu'ils ont pratiquées. Donc c'est un film qu'on va dire qui est assez lourd, en tout cas au niveau thématique. Je dirais que c'est aussi un film qui est assez lourd au niveau rythmique. On a tendance à s'ennuyer un peu, c'est un film qui roule et qui n'a pas beaucoup de tension dramatique en fait. C'est un film qui manque de tension dramatique, je trouve. Je fais une petite parenthèse, il est presque un peu déceptif sur ce point-là, je trouve, parce que la première demi-heure, moi, elle m'a accroché à mon siège. Il y a un truc, une violence à la fois crue et lyrique, et un truc qui, moi, m'a vraiment pris, et justement, je la trouve assez rythmée. Moi, je trouve déjà que les scènes ont tendance à s'apesantir un petit peu. C'est après que ça devient compliqué, avec les échanges un peu lourds, surexplicatifs et sans fin, surtout. Il y a des belles idées de mise en scène, parfois. Je pense notamment à l'évasion du personnage de Ben Foster, qui était traité dans un plan séquence à contre-jour, comme ça, qui est comme un assez beau moment. Par contre, il y a beaucoup de dialogues. C'est un film qui explicite beaucoup ses propres thèmes, qui insiste beaucoup sur ses propres thèmes. Ça m'a fait penser parfois à José Welles, parce qu'il y a ce côté où, donc ça commence de la même manière, même si José Welles c'est un film qui est beaucoup plus léger, avec traversé de moments d'humour, etc. Beaucoup et plus romanesque pas... et moins alourdi par sa thématique par instant. Ouais, c'est vrai. Ce qui m'a fait penser à José Welles, c'est le même début hein, avec Rosamund Pike, et puis aussi la fin avec le fait de reconstituer une famille et le côté un peu picaresque du récit, alors que le récit ne s'engage pas sur cette voie picaresque. Et on essaye de nous faire monter une tension entre Westley et Christian Bale, qui, je trouve, est finalement un peu sous-traité. Par contre, là où je trouve que le film fonctionne, c'est dans la romance. En fait, y a un lien qui va se tisser entre Rosamund Pike et Christian Bale que je trouve assez beau. Christian Bale, bon, c'est pas le plus fin, le plus subtil des acteurs, mais on sent quand même qu'il en a gros sur la patate. On sent tout son... Ouais, il est pas subtil, mais qu'est-ce qu'il est intense, par contre. Ouais, voilà, il est assez intense. Et je trouve que quand il y a un rapprochement qui se fait avec Rosamund Pike et qu'il y a enfin un petit peu de tendresse qui s'immisce dans ce film, qui est quand même très dur, très violent, c'est assez beau. Malheureusement, il gâche ça avec une scène juste après où de nouveau les personnages alourdissent en disant les choses. C'est un peu dommage. Mais après tout ce qu'on peut lui reprocher, je trouve que c'est quand même un film assez recommandable. C'est vrai que je pense que le film aurait été à la limite plus intéressant si on avait coupé toutes les scènes d'échange, parce que j'ai l'impression qu'il y a une séquence, quelle qu'elle soit, et à chaque fois elle est suivie par un échange, par une discussion très longue, j'ai l'impression, qui surexplique tout ce qu'on avait déjà plus ou moins compris. Oui, après, de toute façon, les précédents films de Cooper étaient aussi assez verbeux. Mais ça reste malgré tout de la belle ouvrage, contrairement à une grosse partie de la production de cinéma américain. Donc c'est, tu peux boire le verre à moitié vide ou à moitié plein sur cet aspect-là. Moi, je pense que le gros point positif du film, c'est son actrice, Rosamund Pike. Je trouve que c'est elle qui a un arc narratif beaucoup plus romanesque, qui est beaucoup moins figé dans un aspect thématique que semble porter chaque personnage. Et je la trouve beaucoup plus juste qu'une bonne partie du cast, parce que Bale, moi, je trouve qu'à des moments, il y a des soucis qui viennent, à mon avis, pas que seulement à lui, mais à l'écriture de son personnage. Il porte tellement de choses sur ses épaules. Il y a des moments de crispation sur son visage où moi, je vois complètement un truc artificiel et mécanique. Je vois de la technique d'acteur et je trouve que quand il est dans quelque chose de plus off, plus posé, dans des échanges beaucoup plus sereins, il dégage bien plus de choses. Le problème, c'est qu'il fait passer beaucoup de ces choses-là par les dialogues. Il y a par exemple un des personnages qui accompagne le convoi, qui est blessé et qui va être laissé à l'hôpital. Et il fait une scène d'adieu alors que rien n'a été construit auparavant entre ces personnages-là. Et tout d'un coup, dans la scène d'adieu, il veut te raconter comment ils se sont rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé, tout ce qui les lie. Et donc, tu te retrouves avec Bale qui fait le yo-yo entre mille émotions. Et je trouve que ça devient très technique. Là où Pike, je suis toujours en accord avec l'émotion qu'elle porte, je la trouve hyper juste de bout en bout. C'est sûr que on revient là-dessus, le film est loin d'être léger, mais parmi les scènes qui m'ont le plus plu dans le film, ce sont en général les scènes les plus intenses qui sont too much, ça déborde de partout. Tout le poids que porte Bale sur les épaules, c'est vrai qu'il en fait des caisses, mais en même temps, je trouve ça assez intense, ça marche assez bien sur moi. La scène d'enterrement, elle dégouline vraiment, mais qu'est-ce qu'elle est intense. Oui, mais elle est intense parce que là, il réagit par rapport à une situation, par rapport à une émotion. Alors que les moments où il est censé exprimer tout ce qu'il a vécu, etc., tu sens qu'il se retient, qu'il contracte tous ses muscles. On ne peut pas dire que c'est cabotiné, mais je vois la technique parce qu'en fait, on lui demande de porter une thématique sur son dos et pas des émotions, à mon sens, à ce moment-là. Et après, je trouve qu'il y a aussi parmi les aspects positifs parce que bon... Ça reste un film quand même très recommandable malgré tout. C'est son traitement de la violence. Je trouve qu'il est frontal et il ne diverge pas dessus. La séquence de début avec la famille de Rosamund Pike qui est comment décimée, dont un nouveau-né, c'est de la violence hyper sèche. Ce qui est amusant, c'est que c'est les deux gamines qui se font plomber, c'est les filles du cinéaste. Donc, je ne sais pas quelle mise en perspective. En tout cas, tu sens peut-être que c'est l'attachement au personnage de Pike. Bah, il le chevit dès le début de son film en mettant ses enfants en scène. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'il y a des motifs qui se répètent de film en film, puisque la fin où Bale tue un de ses adversaires à la fin dans un champ, et texto la fin des Brasiers de la colère, avec la même scène où il abattait quelqu'un de dos dans un champ. La manière dont il tue la personne aussi à ce moment-là, c'est un payoff d'un truc qui a été dit. Tout à fait, mais je veux dire, en l'imagerie, il reproduit exactement avec le même acteur une séquence marquante des Brasiers de la colère. Il y a une volonté de construire une œuvre chez Cooper, une manière d'appréhender l'histoire et les stigmates états-uniens de différentes manières, que ce soit Crazy Heart ou Suicide, ou les Brasiers de la colère, c'est à chaque fois une manière d'aborder des thématiques communes à travers son pays, sa nation, mais en prenant à chaque fois un angle différent. Et ça ne m'étonne pas qu'il fasse des liens entre ses films, etc., parce que je pense qu'il y a vraiment une volonté chez lui de créer une œuvre, quoi. En tout cas, ça reste un film recommandable. Je pense son meilleur au final, mais tout imparfait qu'il soit, je pense que c'est son film qui est le plus intéressant. Le fait de tourner en paysage naturel joue aussi quand même, fonctionne très bien dans le film. Voilà, bah très bien. Mais je vous propose que nous enchaînions maintenant sur le film de Cédric Kahn, La Prière. Tu sais comment marche la maison? On t'a expliqué. Ici, les règles sont dures, c'est strict. Le père François nous a dit que tu avais fait une overdose. T'inquiète pas. Personne ne te juge ici. On a tous connu les mêmes choses. Il n'y aura rien pour t'aider. Pas de médicaments, pas d'alcool, pas de cigarettes. Pas des filles non plus. Elles vivent ailleurs, dans une autre maison. Toute ton énergie doit être consacrée à la prière et au travail. Tu ne seras jamais seul. Il y aura un garçon avec toi. On l'appelle l'ange gardien. Tu peux te confier à lui. Je sais que c'est difficile pour toi. Arrête de me faire chier avec tes phrases! Arrête, on va faire ça! Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ta chérie? La Prière, donc, c'est le nouveau film de Cédric Kahn, après notamment Vie sauvage ou plus loin dans le temps, Roberto Succo. C'est un film avec Anthony Bajon, le jeune acteur qui a reçu le prix du meilleur acteur au dernier festival de Berlin. Il y a aussi Louise Grimbert, Damien Chapelle et aussi une apparition de Anna Chigoula, l'actrice de Fassbinder. Donc ça raconte quoi? C'est l'histoire de Thomas qui est un jeune, la vingtaine, toxicomane, qui est emmené dans une espèce de communauté qui est tenue par des catholiques, qui sont tous des repentis, que ce soit de l'alcool, de la drogue, et qui ont tous trouvé refuge dans ce coin isolé, en haut d'une montagne, dans un coin reculé près de Grenoble, je crois. Donc au début, ça se passe pas très bien pour Thomas, et puis finalement, de fil en aiguille, il va se laisser gagner par la foi et aussi par d'autres sentiments. Lucien, qu'as-tu pensé de ce film? J'ai un problème de positionnement par rapport au film. Ce que j'avais plutôt aimé dans La Vie sauvage, c'était justement cette bienveillance qu'avait Kahn envers ses protagonistes. Les deux films sont très très comparables, si ce n'est que leur sujet est très différent. Mais je veux dire, dans la démarche est assez sensiblement la même. Et donc il y a ce même regard bienveillant sur toutes les volontés de ce jeune garçon et de tous ses camarades, je vais dire. Le problème, c'est juste que, mais c'est purement subjectif, mais c'est que moi, ça m'ennuie profondément. J'ai un désintérêt total pour tout ce qui se passe dans le film. Et donc, je n'ai pas tellement à reprocher au film en tant que tel. Mais pour moi, la séance est une véritable pénitence. Je suis vraiment resté dans la salle par esprit professionnel, quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai très peu à dire sur le film. Mais Après, en parlant juste d'expérience de salle... J'ai passé cette séance dans une salle où je devais être le plus jeune de la salle. La moyenne d'âge était plus proche de 70 ans, catholique, en train de reprendre les chants liturgiques pendant le film. C'était une séance un peu spéciale. Après, moi, le souci que j'ai avec le film, c'est que cette assesse du personnage, elle se retrouve, on va dire, à la réa, avec une mise en scène très film français, c'est-à-dire ultra statique, sans profondeur, une lumière absolument dégueulasse. T'as l'impression de voir un téléfilm France Télévisions régional, au point que dans les scènes nocturnes, tu vois absolument que dalle, c'est masqué par un grain vidéo dégueulasse qui envahit tout l'écran. Après, effectivement, il y a ce côté bienveillant vis-à-vis de ces personnages, mais il y a vraiment un problème de rythme, d'avancée du récit. Il ne sait absolument rien faire de son décor, qui est majestueux. Il sait pas le filmer. Et t'as une volonté d'être dans un semi-schéma documentaire, donc tu te retrouves avec des gens qui vont faire des récits de vie pendant 5-6 minutes et le personnage joué par Bajon disparaît comme un estrade. Alors qu'en plus, il y a quand même un enjeu dramatique chez lui du fait de la non-présence d'un personnage qui ne l'accompagne pas pendant cette journée-là. Et alors que tous ces gens-là sont en train de parler, quand tu vois l'assistance, il est absent de l'image, ou alors s'il est dedans, tu ne le vois pas, parce que de toute façon, Cédric Kahn est incapable de diriger ton regard. Il y a une scène, sans trop spoiler, qui se passe au sommet des montagnes, où une tempête se lève. On est face à un matériel qui va permettre au film de décoller un peu, de prendre de l'ampleur, et non. C'est l'encéphalogramme plat, cette séquence-là qui devrait être cette séquence un petit peu d'expérience ultime du personnage, elle est filmée comme un encéphalogramme plat et tu sais pas ce que tu dois y voir dedans. C'est ça, il regarde avec bienveillance mais de loin tout le temps et toutes ces scènes de catholiques anonymes filmées quasi en plan fixe sur des personnages, ben voilà, seuls dans le plan qui racontent leur histoire, enfin c'est juste pas possible. Bon, on va laisser parler notre enfant de cœur. Hein. Donc, Oli. Bon, je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous avez dit mais en même temps je vous trouve super dur. Non, je suis d'accord sur le fait que la scène avec, en effet, les récits de toxicomanes repentis, etc., c'est très plat, c'est très long, c'est très difficile à encaisser, alors qu'en plus, il y a un enjeu dramatique pour le personnage à ce moment-là qui n'est pas traité, c'est dommage. Ça, c'est une scène qui est vraiment ratée. La scène, d'escapade dans la montagne et ce qui se joue sur le personnage à ce moment-là, c'est aussi super mal traité, je suis d'accord avec ça. Après, je trouve quand même... Enfin, moi, le film m'a pas du tout déplu. Il m'a un peu ennuyé. Je l'ai trouvé un peu long. Je l'ai pas trouvé moche. À part, c'est vrai, les scènes de nuit, là-dessus, t'as raison, Manu. Mais je trouve que visuellement, justement, par exemple, la scène où ils creusent un trou pour leur boucher. Là, par exemple, je trouve que le décor était investi. Je trouvais la scène assez belle. C'est le seul moment qui est un peu drôle. Et il y a des choses qui se jouent au niveau du personnage que moi j'ai... Enfin, en fait, le film m'a vraiment touché pour plusieurs choses. C'est le rapport d'amitié qu'il a avec l'espèce de grand frère qu'il a quand il arrive là-bas sur place. Et le moment où ils se disent au revoir, moi j'ai trouvé que c'était un moment assez fort. Et alors, je ne sais pas comment ça se fait, mais je trouve les scènes avec le personnage de la jeune fille, et je les trouve super belles, super justes. Là, il y a un vrai choix de... Enfin, il y a une vraie mise en scène pour le coup, parce que donc lui il est immobile contre la porte et elle par contre il y a un très très long plan sur elle où elle est dans la même focale mais elle bouge beaucoup dans l'espace et on la perd pas pendant toute la séquence et je trouve que c'est une séquence assez belle et je trouve que tout ce qui se joue autour du personnage féminin de la relation entre Thomas et le personnage féminin est assez beau. Ce que j'ai aimé aussi c'est tout le côté mystique, par contre, je trouve ça pas très bien traité, en même temps très casse-gueule. C'est vrai que les scènes où ils chantent, encore les chants liturgiques, moi je trouve que ça va, mais c'est quand on chante des guitare, cantiques quoi. À la guitare, ça c'est... Let it shine, let it shine. Ça c'est quand même très très très difficile à encaisser. Ce qui est bien, ce que je trouve qui est bien dans le film, c'est que, en fait, l'amitié et l'amour sont des expériences mystiques au même titre que la découverte de la religion pour le personnage. Et ce qui se passe notamment à la fin du film, qui est le choix que le personnage fera, je trouve que c'est... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a ému, ça m'a touché, même si je trouve que ça la met manière dont c'est amené dans une voiture. Ça met du temps à arriver, ça met beaucoup de temps. Et, voilà. La scène dans la bagnole, quoi, merde. C'est long, c'est très long. Techno-liturgique. mais moi, franchement, le film m'a pas... Enfin, c'était pas du tout une torture. C'est une torture, comme ça a pu l'être pour vous. J'ai trouvé l'acteur aussi assez bon, quoi. Enfin, ouais, ça, c'est vrai, il faut le reconnaître. Surtout, enfin, il est atypique parce qu'il a cette espèce de visage de gosse mal dégrossi, quoi. Et quand il pète des câbles, il est vraiment assez intense, je trouve. Oui, il est assez juste, autant dans sa douceur que dans sa violence. Ça, oui, voilà. À ce niveau-là, c'est vrai que... Voilà, j'ai réussi à vous faire dire du bien du film. Je suis heureux. D'autres choses ? Non. Très bien. Et bien sûr, ce conseil, nous allons passer à Ready Player One, le film de Steven Spielberg. My name's Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid,

une sorte de voir des enfants, mais qui ont moins de 10 ans, comme ça, qui se livrent, qui racontent. Le film tire son titre de là, pourquoi il n'aime plus la mère, quoi. Ça ne tient pas que là-dessus, hein. Je prends un exemple comme ça, mais le film est vraiment très très touchant. Les adultes sont presque éludés du film, si ce n'est à travers leurs interactions avec les enfants. C'est un film bouleversant et à voir, et voilà. Merci Lucien. Mais avec plaisir, merci pour eux. Manu, Je vais conseiller plusieurs choses tournant autour de Spielberg. Tout d'abord, un documentaire récent qui a été produit par HBO qui revient sur toute la carrière de Spielberg, qui est assez intéressant en termes d'anecdotes sur son cinéma, où interviennent Scorsese, Coppola, Spielberg, qui parle assez bien de toutes les étapes de sa carrière. Donc voilà, je crois que là pour le coup le film n'existe pas en vidéo, mais vous pouvez le trouver assez facilement dans l'Oasis. Et sinon aussi également une excellente conversation qui est disponible sur la chaîne YouTube de l'American Guild entre Scorsese et Spielberg, qui parle. Scorsese interview Spielberg sur le pont des espions. C'est une heure absolument passionnante de vraiment de fabrique de cinéma, de questions de très concrètes sur la fabrication du film et d'autres films en général de Spielberg. Et mon dernier conseil, un film qui est cité dans Ready Player One, qui est Last Action Hero de John McTiernan, qui était un des précurseurs de ce qu'est Ready Player One aujourd'hui. Et voilà. Et puis qu'il faut toujours parler de John McTiernan. Ouais. Je vais vous conseiller d'aller sur le site de l'INA, parce que sur le site de l'INA, vous pouvez, si vous tapez cinéma, vous avez accès à toute une banque d'interviews et de making-of de l'émission qui était sans doute la dernière excellente émission de cinéma qu'il y a eu sur la télévision française publique. Notamment une interview de Scorsese assez géniale qui dure un quart d'heure, où il est dans le taxi qui l'amène à l'aéroport pour prendre l'avion pour Cannes au moment de la sortie de La Valse des Pantins. C'est vraiment très chouette. Voilà, vous avez aussi Emir Kusturica sur le tournage de son film Le Temps des Gitans, sans doute son chef-d'œuvre. Il y en a plein de choses. Voilà, c'est vraiment une mine d'or et on peut perdre beaucoup de temps. Voilà, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.